Vers la gauche, j'étais avec un bébé lentombe. Vers la gauche, j'étais avec un bébé lentombe. Bouge vers la gauche, j'étais avec un bébé lentombe. Vers la gauche, vers la gauche. Vers la droite, j'étais avec un bébé lentombe. Vers la droite, j'étais avec un bébé lentombe. Bouge vers la droite, si tu veux. Fais du bruit. Mon fire, Babylone va tomber, c'est mon fire. Mon fire, Babylone va tomber, c'est mon fire. Mon fire, Babylone va tomber, mon fire. Tous ceux et toutes celles qui sont prêts pour